me dit que j'étais mort, que je ne pourrais jamais rejoindre le nord, que je ne pourrais jamais te rejoindre, ma belle. Entre nous, notre histoire. Comme toi, et je n'ai jamais été aussi heureux qu'avec toi. Si l'on pouvait revenir en arrière, casser les codes, sans ce fric, recommencer. La normale, sans ces gouvernements, recommencer tout. La normale, sans ces gouvernements, ces gens qui gouvernent et qui mentent. Qui gouvernent et qui mentent. Simplement être avec toi dans le présent, être avec toi dans le présent, tout simplement t'aimer sans condition, sans condition, sans condition. Sans condition, tout ce qui fait de toi qui tu es. Tes origines, ta couleur et ton nom. Ta couleur et ton nom. Je t'aime, mais ce n'est pas autrement. autrement.